Exercice 4, page 72. 9 heures. 9 fleurs. 9 sœurs. 9 meubles. Octobre. Horloge. Folklore. Dordogne. Golfeur. Docteur. Dormeur. Promeneur. Feuille morte. Jeune gosse. Leur robe. Leur pomme.